Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. En 1908, au moment où Maurice Leblanc publie Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, Gustave le Rouge fait paraître Le prisonnier de la planète Mars. Viennent ensuite d'autres romans, d'autres ouvrages, La guerre des vampires, La mandragore magique, Le mystérieux docteur Cornelius ou Le fantôme de la danseuse. Plaisir de la littérature d'anticipation, de la science-fiction et de l'Uchronie. Quand notre passé est transformé. Une littérature riche pour comprendre la société qui les a produites. Oui, les gogos n'y voient amusés que des prévisions qui ne se sont pas réalisées ou alors fascinés des anticipations. Mais les historiens et les historiennes y découvrent de très beaux documents historiques, des sources. Il était une fois le futur. Natacha Vasder, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de lettres modernes, docteur en littérature française. Vous êtes spécialiste de l'utopie, de la dystopie, de la science-fiction, de l'anticipation. D'ailleurs, il faut définir ces mots. Science-fiction, nous imaginons bien ce que c'est. Le mot est facilement utilisé. Quelle différence science-fiction-anticipation ? Alors je crois que l'anticipation en fait est plus proche de la réalité, d'abord parce que la science-fiction peut se projeter ou pas d'ailleurs, hein, mais de manière très générale dans un futur relativement éloigné, alors que l'anticipation se projette à, on va dire, maximum une centaine d'années, et elle est beaucoup plus à l'aise en nous projetant par exemple dans, on va dire, 50 ans à peu près dans le futur. Donc l'anticipation c'est un genre hein, qui est né évidemment à la fin du 19e siècle et qui permettait en fait de rester relativement proche du présent et de réutiliser en fait des éléments techniques ou scientifiques en fait du présent. Et puis il y a ces mots qui apparaissent aussi, utopie, dystopie, il y a toute cette volonté de travailler sur un imaginaire futur. Là aussi, je profite de votre présence, Natacha Vasder. Vous avez écrit « Ces Français qui ont écrit demain, utopie, anticipation et science-fiction au XXe siècle ». Quelle est la différence entre l'utopie, là aussi, nous voyons bien l'utopie, ce monde idéal, et la dystopie ? Alors en fait, l'utopie... De manière historique, est un genre qui a été donc créé par un genre et un néologisme créé par Thomas More donc en 1516, hein, puisque cela est issu du grec forgé sur le grec utopos, donc le lieu qui n'existe pas, ou utopos, donc le lieu où l'on est bien. Et à l'origine, évidemment, l'œuvre de Thomas More était un roman en fait qui comportait deux perspectives ou deux phases. Puisqu'on avait la description en fait d'une société idéale, hein, donc on était dans une œuvre politique et sociale, et en même temps on avait en fait la critique de sa propre société contemporaine, donc évidemment celle en partie du règne d'Henri VIII. Et donc on voit que dès le départ en fait l'utopie c'est un genre littéraire qui contient en germe en fait son inverse, un petit peu comme des relations entre littérature convexe si vous voulez et concave. Et dès le départ, en fait, on a cette critique donc de la société que l'on appellera, on va dire, quelques temps plus tard, hein, quelques siècles plus tard, donc une dystopie. La dystopie, c'est le lieu cauchemardesque, c'est le lieu où il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, et ça va évidemment être une littérature qui va avoir une extraordinaire donc descendance, bien sûr. À partir du XXe siècle. Oui, et notamment avec des romans très célèbres, hein, 1984, notamment sur cette vision d'un monde monstrueux d'Orwell, c'est vraiment voilà, la dystopie. Vous avez Jeanne Zamiatin, par exemple, en 1922, avec Nous Autres. Vous allez avoir Huxley. Alors, c'est un petit peu, d'ailleurs, ces trois romans, c'est un petit peu la matrice de la dystopie. Aldous Huxley, évidemment, en 1932, avec Le meilleur des mondes. Et puis, bien sûr, donc 1984 de George Orwell. en 1948. Et d'ailleurs, Orwell, on appelle souvent cette œuvre une contre-utopie, mais voilà, ça, ce sont un peu des discussions de spécialistes sur lesquelles on ne va pas revenir ce matin. Voilà, mais il est important, puisque nous sommes de bons élèves, de définir les mots du sujet dès l'introduction de l'émission. La science-fiction, c'est imaginer un futur avec de la science. L'anticipation, c'est un futur beaucoup plus réel. Et puis, il y a un mot à définir également, c'est celui d'Uchronie, et ça tombe bien avec nous aujourd'hui, Ugo Bellagamba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire du droit et des idées politiques. Vous enseignez à Nice et vous êtes l'auteur d'Uchronie. Définissez-nous ce nom, s'il vous plaît, ce mot étrange, Ugo Bellagamba. Alors, on est parfaitement dans la dynamique de l'enseignement, c'est très très bien. Donc effectivement, Uchronie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, puisqu'on reprend le néologisme forgé par Thomas More, Utopos, le lieu qui n'existe pas, ou Chronos, c'est le temps qui n'existe pas. C'est-à-dire littéralement projeter l'utopie dans l'histoire en réalité, c'est-à-dire réinventer l'histoire, imaginer des histoires qui n'ont jamais été, imaginer ce que serait le monde si l'histoire avait été différente. C'est tout ce champ spéculatif que ouvre l'Uchronie, et cette Uchronie est une variation sur l'utopie, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre aussi, bien sûr, de repenser notre monde, de repenser ses valeurs, de repenser ses structures politiques, et il y a une dimension de critique politique aussi qui est importante dans l'Uchronie. Et elle apparaît notamment au XIXe siècle. Eh bien justement, direction le XIXe siècle et surtout direction le centre de la Terre. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur Lidenbrock lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchemin. Il était sérieusement ému. Enfin, il toussa fortement et d'une voix grave, appelant successivement la première lettre puis la seconde de chaque mot, il me dicta la série suivante. Et, se précipitant sur la feuille de papier, l'œil trouble, la voix émue, il lut le document tout entier en remontant de la dernière lettre à la première. Il était conçu en ces termes. Ins nefels ioculis craterem quem delibat, umbras cartaris juli intra calendas descende odias viator et terrestre centrum attinges, cod feci arne sacnusem. Ce qui, de ce mauvais latin, peut être traduit ainsi. Descend dans le cratère du Yocul de Sneffels, que l'ombre du Scartaris vient caresser avant les calendes de juillet, voyageur audacieux, et tu parviendras au centre de la terre. Ce que j'ai fait. Arne Saknussem. Eh bien voilà, il l'a fait. Une lecture du roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, un roman de 1864, Natacha Vazder. Jules Verne, personnage essentiel, bien sûr, dans notre imaginaire, celui qui met en place une vision particulière du futur. Vous, en tant que spécialiste de cette littérature, de ce champ très particulier, quelle place occupe Jules Verne dans la littérature de science-fiction ? Alors en fait, Jules Verne, c'est un petit peu une image d'Épinal parce qu'il est considéré, avec d'ailleurs Herbert George Wells, donc l'anglais, comme le père fondateur de la science-fiction. Alors je pense que Jules Verne a une place évidemment à part dans la littérature donc du 19e siècle, parce que ils ont, avec son éditeur Pierre-Jules Hetzel, en 1861, ils ont véritablement bousculé le paysage éditorial avec leur fameuse donc collection des voix Voyage extraordinaire. Cependant, par rapport à l'histoire justement de la science-fiction, eh bien, il y a quand même des auteurs. Il y a ce qu'on appelle une proto-science-fiction avant Jules Verne et puis après Jules Verne. Alors simplement, Jules Verne, en fait, c'était un vulgarisateur absolument passionné donc de science. Et l'enjeu donc de la collection de Hetzel c'était une collection de jeunesse, hein, était de proposer aux jeunes lecteurs, à travers des récits d'aventure, eh bien toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronautiques issues de la science du 19e siècle. Et en réalité, Jules Verne n'a pas écrit beaucoup d'anticipation, sauf peut-être donc Paris au 22e siècle, mais qui est une œuvre de jeunesse et qui est en dehors donc de la collection de Hetzel, et puis bien sûr autour de la Lune et de la Terre à la Lune, où là il y a vraiment une anticipation évidemment du voyage astronautique. Mais justement, avant Jules Verne, en réalité, il y a des éléments, des auteurs qui vont essayer de décrire des univers conjecturaux qui évoquent l'avenir. Alors, je cite très rapidement, par exemple, en 1834, on a Félix Baudin avec le roman de l'avenir qui porte sur tous les bouleversements que va apporter le progrès scientifique. En 1857, on a Star ou Psy de Cassiopée de Charles de Fontenay qui décrit les us et coutumes d'une civilisation extraterrestre. Ou encore, en 1846, on a Le monde tel qu'il sera d'Émile Souvestre, qui est sans doute la première dystopie française. Vous voyez, donc en fait, ce qui est intéressant, et je pense que c'est aujourd'hui important de le dire, c'est qu'en réalité, on a une véritable tradition, en fait, de l'imagination scientifique, donc en France. Alors, qui nous vient également du XVIIe siècle, bien sûr, et de cette espèce de veine littéraire, si vous voulez, qui va courir en quelque sorte des écrits, des contes philosophiques, par exemple de Hercule Savinien, donc de Cyrano, du Micromégas de Voltaire, des aventures du baron de Münchhausen, pour quitter un petit peu donc la sphère française. Et au XIXe siècle, avec justement le contexte, les progrès scientifiques évidemment et techniques du XIXe siècle, l'apparition évidemment de l'électricité, la vapeur comme type d'énergie, on va avoir tout un mouvement au 19e, Jules Verne va s'engouffrer en quelque sorte, dans cette dynamique de création d'imagination scientifique. Et alors surtout, ce qui est important pour Jules Verne, c'est que en fait, il n'a pas créé l'avenir, il a fait mieux, il a engendré ceux qui l'ont créé. Et ça, c'est une citation de Bernard Heuvelmans. Vous voyez, donc c'est important parce que il y avait une dynamique avant Jules Verne, et surtout les romans de Jules Verne ont vulgarisé l'imagination scientifique, qui va être reprise ensuite par ce qu'on a appelé la proto-science-fiction. Et puis, quand vous nous expliquez le contexte de la mise en place de la science-fiction, de cette littérature particulière, cette littérature d'anticipation, Natacha Vasder, il y a le contexte économique qui est très clair, le contexte des progrès techniques, bien sûr, mais pour expliquer le succès d'un ouvrage, il faut des lecteurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a une attente d'un lectorat pour ce type de littérature. Oui, alors il y a, l'attente du lectorat parce que, et Jules Verne s'adresse aux jeunes générations. Donc en fait, au XIXe siècle, on a bien sûr ce bouleversement absolument extraordinaire qu'est la révolution industrielle, qui avait d'ailleurs démarré bien sûr au Royaume-Uni. Et on voit qu'au Royaume-Uni, on a cette imagination scientifique qui est aussi extrêmement présente. Et donc ces jeunes lecteurs, ce qu'ils veulent évidemment, c'est voir toutes les inventions donc de ce futur, de ce progrès scientifique au XIXe siècle, on leur promet donc monts et merveilles. Et donc Jules Verne va littéralement s'engouffrer en quelque sorte dans ce fantasme sur le progrès scientifique. On ne remet évidemment dans cette période-là, jusqu'en 1914, jusqu'à la Première Guerre mondiale, on ne remet pas du tout en cause évidemment ce progrès scientifique, même si quand même des auteurs par exemple comme Émile Souvestre, je rappelle, on est en 1846, comment ça percevoir en fait l'envers du décor de l'automatisation et de l'industrialisation. On commence, à avoir quand même un petit peu peur justement de ce mouvement de fond qui va emporter évidemment toute l'histoire de l'Occident, toute l'histoire économique de l'Occident jusqu'à aujourd'hui bien évidemment. Et donc en fait, ce développement de cette littérature, on va la voir aussi à travers l'iconographie, par exemple avec Albert Robida, un auteur illustrateur qui est tout à fait essentiel dans la constitution de l'anticipation française donc à la fin du 19e siècle, avec par exemple la guerre au 20e siècle en 1887 ou encore la vie électrique en 1890. Et puis à la fin du 19e siècle, suite donc aux mutations évidemment techniques du siècle, beaucoup d'éditeurs vont lancer de nouvelles publications, des revues de vulgarisation scientifique qui vont faire tenter une alchimie entre faits réels et anticipation, en proposant des auteurs qui connaissaient les succès dans le domaine du récit d'aventure. Donc c'est la grande époque de science et voyages, de la science illustrée par exemple, du journal des voyages, de je sais tout, ou encore de lecture pour tous, qui participent complètement au développement et à la popularisation des premières formes de la science-fiction. Oui, parce qu'il y a un mode d'écriture, un mode de narration particulier dans cette narration, justement, de science-fiction. Et vous, Hugo Bellagamba, vous êtes, bon, à côté d'être maître de conférences en histoire du droit, vous écrivez des romans de science-fiction, d'uchronie, en l'occurrence Tancrède. Tancrède, une uchronie, il y a ce procédé-là, c'est-à-dire partir d'un élément du réel. Dans votre regard sur cette littérature et l'histoire de cette littérature, comment vous positionnez-vous? Vous avez repéré ces fonctionnements en fait qui rendent ce roman efficace? Oui, absolument. En fait, la science-fiction, et comme l'a très bien dit Natacha, elle interroge le réel, en fait. Elle interroge les faits et elle extrapole à partir des faits, des progrès ou des modifications possibles, en fait, de la société. Au fond, on pourrait résumer la science-fiction, le cœur de la science-fiction, et malheureusement, on n'a pas peut-être le temps de parler aussi de la science-fiction américaine, mais tout le mécanisme qu'a décrit Natacha a très très bien marché également avec les pulps américains hein, dans les années 20, dans les début du 20e siècle, avec quelqu'un comme Hugo Gernsback hein, qui a fondé littéralement le plus grand pulp américain de science-fiction, ce magazine à de grandes diffusions, hein, avec une diffusion, vous parliez de lectorat tout à l'heure, c'est plusieurs centaines de milliers de lecteurs, de jeunes lecteurs hein, sur l'ensemble des États-Unis, ce pulp qui s'appelait Amazing Stories, et qui visait à éblouir cette jeunesse avec les possibilités techniques offerte par la science, et surtout de mesurer l'impact social. Et en fait, lorsqu'on écrit de la science-fiction, on est dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'on essaye d'imaginer comment le progrès technique a un impact, a une traduction dans les rapports entre les individus, dans les rapports avec les institutions, dans les rapports finalement entre citoyens et pouvoir, en fonction de l'évolution justement de cette science et de cette technique. Et cette fascination pour cet émerveillement scientifique, on le retrouve hein, des deux côtés de l'Atlantique, aussi bien d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis. Et dans le cadre de Tancrède, pour vous répondre, lorsqu'on est en train d'écrire une uchronie, on fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire que les faits historiques remplace un peu les faits scientifiques et on va extrapoler des histoires alternatives, des futurs antérieurs alternatifs, selon les choix historiques qui ont été faits, qui auraient pu être faits, ou qui peut-être même pour certains auteurs auraient dû être faits, c'est-à-dire que on peut raconter une histoire parallèle qui serait finalement meilleure. Et je voudrais quand même, avant de parler de Tancrède, surtout évoquer Charles Renouvier, qui est ce philosophe français républicain, on dit un 48art, parce qu'il était dans l'idéal véritablement de la Révolution française, donc de 1848, qui a écrit l'Uchronie. C'est le fondateur du néologisme ou Chronos, hein, l'utopie dans l'histoire véritablement. Et alors que fait Charles Renouvier? Eh bien, il fait exactement ce que je viens de vous décrire. Il prend l'histoire de l'Empire romain, il prend l'histoire du passage de la République à l'Empire, puis ensuite de l'Empire, du Principat jusqu'au Dominat, l'Empire véritablement tardif, l'Empire romain tardif, et il imagine un point de divergence, c'est-à-dire qu'il imagine que après ce grand empereur stoïcien qui était Marc Aurèle, eh bien la République romaine va être rétablie. On pourrait s'imaginer qu'on est dans Star Wars, hein, dans la guerre des étoiles, mais c'est un peu ça au fond. Il imagine que au lieu de voir un enracinement et un agrandissement continu de l'Empire romain qui ensuite chutera beaucoup plus tard, eh bien il y a après Marc Aurèle, après ce empereur stoïcien, des éléments permettent le rétablissement de la République romaine, et cette République idéal, finalement, idéalisé, va durer, eh bien, un nombre indéterminé de siècles. Et quel était le but, au fond, que suivait Charles Renouvet? Ben, bien sûr, prôner la supériorité de la République contre le Second Empire, qui était déjà installé au moment où il écrit l'Uchronie. Donc, vous voyez, en réalité. Hugo Bellagamba, vous avez raison de souligner hein, que les produits culturels reflètent la société qui les a créés. C'est en cela que tous ces textes, tous ces romans sont intéressants pour les historiens, les historiennes. Le texte qui suit n'est pas, contrairement aux apparences, une pure fiction. Il s'appuie sur des sources directes, fragmentaires, mais très précises, découvertes il y a environ 7 ans lors d'un voyage d'études au Caire financé par l'université de Nice, Sophia Antipolis. C'est ainsi que commence votre Tancrède, une uchronie publiée par les Moutons électriques. Patrick Hugo Bellagamba. Vous découvrez pour ce Tancrède de vieux documents, c'est ce que vous expliquez dans l'avant-propos. Racontez-nous l'amorce, en fait, pour bien comprendre le procédé narratif qui va nous saisir. Nous sommes au temps des croisades. Alors justement, l'amorce est très important dans un roman de science-fiction. Il y a une dynamique narrative qu'on appelle en général, de façon assez répandue, suspension of disbelief en anglais, c'est-à-dire la suspension d'incrédulité. L'idée, c'est de donner l'impression au lecteur que ce que l'on va développer ou que ce que l'on va raconter ensuite est finalement crédible et parfaitement appuyé sur des faits. Alors, ce que j'ai voulu faire dans Tancrède, et je vous remercie de le souligner, c'est véritablement un hommage direct à Charles Renouvier, c'est-à-dire expliquer qu'en tant que chercheur, j'ai pu mettre la main sur des documents archivistiques attestant de la réalité de ce que j'allais ensuite décrire, attestant d'événements qui se seraient réellement passés au cours de la première croisade, exactement finalement comme Charles Renouvier s'amusait lorsqu'il prétendait justement avoir retrouvé lui aussi des archives expliquant la véritable histoire de Rome. Et tout ça, vous voyez, au fond, nous renvoie à Thomas More, qui est le père fondateur de l'utopie, qu'évoquait tout à l'heure Natacha, puisque Thomas More lui-même, comme l'a très bien dit Natacha tout à l'heure, divise l'utopie en deux livres, et que le premier livre est une discussion entre humanistes, entre personnages historiques, notamment le célèbre Pierre Gilles, qui explique comment il a découvert ou comment son interlocuteur a découvert cette fameuse île d'utopie qui est donc censée exister véritablement. Et c'est dans ce jeu, dans cette confusion amusante, ludique, entre la réalité et l'imaginaire que s'installe petit à petit l'enracinement de l'histoire et qui permet finalement d'amener le lecteur jusqu'à des hypothèses parfois très très éloignées. Ce qui existe véritablement est aussi le plaisir de la lecture. Exemple. L'affreux vent du nord s'était tu. Sa voix mauvaise depuis 15 jours remplissait l'oasis de crainte et de tristesse. Il avait fallu dresser les brises ouragans et les serres de silice élastique. Enfin, l'oasis commençait à tiédir. Targ, le veilleur du grand planétaire, ressentit une de ces joies subites qui illuminèrent la vie des hommes au temps divin de l'eau. Que les plantes étaient belles encore, elles reportaient Targ à l'amont des âges, alors que des océans couvraient les trois quarts du monde, que l'homme croissait parmi des sources, des rivières, des fleuves, des lacs, des marécages. Quelle fraîcheur animait les générations innombrables des végétaux et des bêtes. La vie pullulait jusqu'au plus profond des mers. Il y avait des prairies et des sylves d'algues, comme des forêts d'arbres et des savanes d'herbes. Un avenir immense s'ouvrait devant les créatures. L'homme pressentait à peine les lointains descendants qui trembleraient en attendant la fin du monde. Imagina-t-il jamais que l'agonie durerait plus de 100 millénaires? C'est long, 100 millénaires. Une lecture par Olivier Martineau d'un roman, La mort de la Terre, de J.S. Rony, en 1912. Nathalie Vasder, déjà, il faut nous présenter cet auteur qui est essentiel. Nous le connaissons tous. Il est l'auteur de La guerre du feu. Oui, alors en fait, Rony est né. C'est un auteur qui est très important en fait au 19e et début 20e siècle. Alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que moi je trouve que c'est un auteur très très très poétique, et ensuite parce que il se situe en fait au croisement entre, je dirais, le début en fait l'homme de l'humanité avec ses récits donc préhistoriques. D'ailleurs on pourrait, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais j'ai écrit récemment un article sur est-ce qu'on peut considérer le récit préhistorique comme un récit de science-fiction ou de merveilleux scientifiques. Et il va se projeter en fait également l'autre partie en fait du spectre donc temporel de ces romans. Il va se projeter donc sur la fin de l'humanité. Alors pas la fin du monde, hein, pas la fin évidemment, la destruction de notre planète, mais tout simplement la fin de l'humanité donc en tant qu'espèce. Et dans la mort de la Terre, justement, c'est très intéressant parce qu'il se place dans une perspective lamarckienne où l'homme, en fait, est une espèce parmi d'autres qui sera remplacée par d'autres espèces. Vous voyez, donc on est dans une réflexion, en fait, qui est presque, je dirais, contemporaine, hein, puisque aujourd'hui, les tenants de la décroissance, eh bien, pensent que notre espèce n'en a plus que pour quelques siècles, en fait, à vivre. Et donc, les hommes seront remplacés par une espèce minérale qui s'appelle les ferromagnétaux, qui sont donc des sortes de pierres vampiriques. Alors là, on est complètement dans le merveilleux scientifique, qui en fait va s'approprier donc tous les sels minéraux du corps humain et donc va faire mourir en fait les rares humains survivants. Alors au-delà justement de cette vision donc apocalyptique évidemment de l'humanité, Roni Hennet en fait c'est un auteur qui est très important pour la science-fiction pour deux raisons. D'abord parce que en 1887, il va publier un court roman qui s'appelle Les Xipeus et que l'on a considéré comme le premier récit donc du merveilleux scientifique, qui est le terme que l'on utilisait donc en France à la fin du 19e et jusque dans les années 20 pour désigner donc la science-fiction qui ne s'appelait pas encore ainsi comme Hugo l'a rappelé très bien tout à l'heure. Et en fait, dans Les Xipeus, il va s'interroger sur le positionnement de l'homme qui va être confronté à l'altérité extraterrestre. Parce que, en fait, dans les Xipeus, eh bien, il s'agit d'une tribu du néolithique qui va être donc confrontée à l'apparition d'extraterrestres qu'elle ne comprend absolument pas. Voilà. Donc, c'est, je dirais que nous sommes ici dans le questionnement, en fait, de l'humain face à l'altérité extraterrestre. Et puis, enfin, je dirais troisième raison pour laquelle Roni est tout à fait important pour notre genre, eh bien, c'est parce que, avec son frère, donc, quand ils apparaissent dans le paysage littéraire français, eh bien, ils vont présider en fait le prix Goncourt dès sa création et ils vont donner une impulsion absolument sans précédent à la proto-science-fiction. Parce qu'en 1903, figurez-vous, eh bien, le premier prix Goncourt fut donné à Force Ennemie de John Antoine Noe, qui est un récit oscillant entre anticipation et fantastique, mais qui va narrer une invasion extraterrestre. Donc c'est un récit qui est tout à fait caractéristique, je dirais, du type de roman qui opérait une sorte de floutage générique à l'époque entre le fantastique, par exemple, et puis donc la proto-science-fiction, le récit d'imagination scientifique. Donc c'est nous, aujourd'hui, critiques, spécialistes, universitaires, qui avons donné finalement, a posteriori, qui essayons de classer finalement toute cette production imaginaire de l'époque. Mais en réalité, à cette époque-là, elle était encore largement floutée. Et puis surtout, on faisait pas forcément la différence entre la littérature blanche, hein, la littérature mainstream, et puis la littérature d'imagination scientifique ou d'anticipation, comme on le fait aujourd'hui. Et puis le recul historique permet d'identifier facilement, plus facilement, les évolutions, les chemins que peuvent prendre cette littérature. Eh bien, nous allons rester avec Roni Hennet, donc l'auteur dont nous venons d'entendre la lecture d'un texte de 1912. Oui, mais cette fois-ci, nous sommes plus tard, nous sommes en 1925. « 8 avril. Notre vaisseau vogue dans la nuit éternelle. Les rayons du soleil nous frapperaient durement à travers l'argine. Si nous ne disposions pas d'appareils qui atténuent, diffusent ou suppriment la lumière, à notre gré. Notre vie est aussi aride que la vie des captifs. Dans l'étendue morte, les astres ne sont que de monotones points de feu. Notre tâche se borne à de menus soins d'entretien et de surveillance. Tout ce que les appareils doivent faire jusqu'à l'heure de l'atterrissage est rigoureusement déterminé. Aucun obstacle. Rien qui exige un changement d'orientation. Une vie intérieure subordonnée à la machinerie. Nous avons des livres, des instruments de musique, des jeux. L'esprit d'aventure nous soutient. Une espérance démesurée, quoique amortie par l'attente. La prodigieuse vitesse qui nous entraîne équivaut à une suprême immobilité. Profond silence. Nos appareils générateurs et transformateurs ne font pas de bruit. Les vibrations sont d'ordre éthérique. Ainsi, rien ne décèle le bolide lancé dans les solitudes interstellaires. « Les navigateurs de l'infini en 1925 de Ronnie Aîné, lu par Olivier Martineau, Natacha Vazder. Il y a une évolution évidente à noter dans cette littérature de science-fiction et la réflexion peut se porter aussi sur la littérature d'anticipation, évidemment puisqu'elle reflète le temps où elles sont produites, eh bien, les interrogations changent. Et là, dans les années 1920, nous avons beaucoup plus de science chez Ronnie Aîné. Oui, alors, on a de la science et en même temps, on a quand même le développement d'un des grands thèmes de la science-fiction, qui est le voyage dans l'espace avec les navigateurs de l'infini. Et ce très beau titre, je dirais presque allégorique, de ce qu'on va appeler le space opéra. Donc ça aussi, hein, c'est une, évidemment, dénomination a posteriori. Et c'est un terme, bien sûr, anglais, parce que les Américains vont tout à fait développer donc ce genre à partir donc des années 1930, hein, dans les pulps donc cités par Hugo tout à l'heure. Alors chez nous c'est peut-être un thème qui va être moins développé, mais par contre à partir des années 1910 avec je dirais le développement de ce sous-genre, en fait, de la proto-science-fiction qui est le merveilleux scientifique, ou qui se confond d'ailleurs avec la proto-science-fiction, eh bien, le merveilleux scientifique, c'est un terme qui a été inventé par un auteur qui s'appelle Maurice Renard. Maurice Renard a inventé donc ce terme en 1909 dans un article assez célèbre qui s'appelle « Du roman merveilleux scientifique et de son action sur l'intelligence du progrès ». Et en fait, c'est un article, si vous voulez, qui est très intéressant parce qu'il va bien montrer les interactions entre la science, le progrès scientifique et bien évidemment l'imagination donc des auteurs de cette époque. Et en fait, on a une nouvelle littérature en quelque sorte qui va se développer donc à cette époque et qui va prendre de nombreuses dénominations. Par exemple, Alfred Jarry, en 1903, va caractériser la nature mathématique de cette nouvelle littérature. On peut appeler ça donc des romans scientifiques, ça c'est Verne, des fictions scientifiques, donc du merveilleux scientifique, les Goncourt, Maurice Renard ou encore Hugues Maté en 1915, des romans hypothèses chez par exemple Alfred Jarry, ou encore par exemple Zamiatine que j'ai cité tout à l'heure comme étant le premier auteur russe à créer véritablement le genre donc de la dystopie, qui va appeler ça des romans socio-scientifiques ou encore, vous voyez, des romans fantastiques ou encore des romances scientifiques. Ça, par exemple, c'est chez Herbert George Wells. Donc, on a, si vous voulez, pour Maurice Renard, eh bien, la science, elle va susciter l'émerveillement ou l'effroi, mais d'autre part, rêver le progrès peut développer la science. Il va donc construire un nouveau modèle littéraire qui va, je dirais, quasiment être présent, notamment dans les années 1920 jusqu'aux années 1930, parce qu'après ça va quand même être bousculé par la Première Guerre mondiale. Eh bien, si vous voulez, ce merveilleux scientifique va user du monde familier de son lectorat, tout en réalisant une modification, voire une mutation des lois naturelles de ce monde familier. Et donc de nouvelles causalités imaginaires, encore inconnues des scientifiques, peuvent prendre corps, comme le voyage dans le temps ou la propulsion à la vitesse de la lumière. Natacha Vazder, le voyage dans l'espace. Je vous interromps parce qu'il se passe quelque chose. Monsieur, il paraît qu'il y a un tremblement de terre au bout de la chapelle et que là-bas tout le quartier est en feu. Mais non, madame, taisez-vous. Mais c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, coupez, nom de... Mais j'avoue, pardonnez cette interruption. La nouvelle que nous venons de vous transmettre n'est pas confirmée. C'est certainement un faux bruit. Mesdames, messieurs, ne vous affolez pas. Il y a quelques paniques ici et là. Elles sont provoquées par des pannes d'électricité et aussi par quelques secousses sismiques. Gardez tout votre calme. Allô, professeur Voisquin. Ici, Radiodiffusion française. Excusez-nous d'interrompre de temps en temps pour émettre des messages en ondes moyennes. Mais il est désormais impossible de se saisir des ondes courtes et le brouillage semble s'étendre progressivement. Nous vous demandons donc de ne pas vous inquiéter si nous cessions nos émissions. En 1946, la radiodiffusion française proposait cette émission, interrompait ses programmes. Et oui, il était question de l'âge atomique. Et il y a quelque chose qui nous rappelle évidemment le canular radiophonique d'Orson Welles, hein, qui aux États-Unis avait mis en place cette guerre des mondes, un canular qui fonctionne bien. Et là, dans ce que nous venons d'entendre, il y a la même efficacité. Hugo Bellagamba, dans cette réflexion sur qu'est-ce que la science-fiction, il y a un mot qui s'impose, c'est science-fiction, alors que plein de voix ont été prises différemment. C'est un mot qui vient des États-Unis, qui est plus tardif, hein, des années 1920, mais il faut rappeler, la naissance est plutôt européenne. Malgré tout, peut-on parler d'un échange global ? Est-ce qu'il y a, dans ce monde de la littérature de science-fiction, pour le dire simplement, des échanges, des comparaisons ? Oui, absolument. En fait, je vis une petite épiphanie aujourd'hui avec vous sur cette antenne et dans cette émission, parce que je réalise avec un immense bonheur que enfin les deux pans de la science-fiction, ou plutôt les deux histoires de la science-fiction, enfin sont reconnus et se réunissent. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un monde qui n'est pas une uchronie, dans lequel la science-fiction était considérée très largement par la culture comme une science-fiction, une expression américaine, et on associait la science-fiction uniquement aux films américains de science-fiction, aux fameux films de space opéra et aux grandes productions américaines. Et puis, depuis le travail de tous ces chercheurs qui se sont penchés sur l'histoire de la science-fiction, le merveilleux scientifique, avec la très belle exposition qui a eu lieu notamment à la Bibliothèque nationale de France et qui a été pilotée par Fleur Hopkins, ont enfin compris qu'il y a un héritage européen très puissant de la science-fiction. Alors les spécialistes le savaient, les chercheurs le savaient, les passionnés le savaient, mais désormais le grand public sait toute la part de la culture européenne qui dépend de ce qu'on appelle aujourd'hui la science-fiction. Et donc effectivement, la comparaison que vous me proposez, c'est plus une symbiose, presque une forme de mariage finalement qu'on pourrait organiser entre la vision américaine et la vision européenne, sans même parler évidemment des autres science-fiction d'expression asiatique, russe, qui est notamment très importante également. Et au fond, le point commun de tout ça, je pense que c'est la volonté de s'interroger, le côté spéculatif. D'ailleurs, dans les différents noms qu'a pris la science-fiction, il y en a un qu'on n'a pas cité, qui s'est développé dans les années 50 aux États-Unis, qu'on appelle la speculative fiction. Speculative fiction, c'est une science-fiction plus sociale, qui s'intéresse véritablement à la transformation de la société humaine par la technique, et qui aujourd'hui peut-être connaît ses derniers avatars dans le transhumanisme, par exemple, ou en tout cas dans la manière dont le transhumanisme interroge l'avenir de l'humanité. Et donc, le point commun pour moi dans la science-fiction, c'est ça. C'est comment la science-fiction interroge le destin de l'humanité, interroge finalement ce que l'humanité est capable de s'infliger à elle-même, mais aussi grâce à son intelligence et grâce à son ouverture, grâce à la méthode scientifique également, comment l'humanité est capable de se donner les moyens de s'étendre, de se réinventer, de découvrir de nouveaux horizons. Vous voyez, le space opéra, évidemment, tellement poétique, celui qu'on a, cet extrait que vous avez choisi, et ô combien j'ai été heureux de l'entendre lire, des navigateurs de l'infini, avec ce vaisseau, le Stellarium, avec son revêtement en argile sublimé, c'est complètement magique. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, une science-fiction beaucoup plus scientifique, beaucoup plus technique et beaucoup plus proche de la réalité, comme par exemple les romans qui se sont développés dans les années 50 aux États-Unis et qui ont raconté l'histoire du futur, qui ont raconté l'expansion future de l'humanité dans l'espace. On peut citer par exemple l'histoire du futur de Robert Heinlein, qui est un peu l'équivalent du Jules Verne américain pour le XXe siècle. Et puis un film par exemple qui a marqué son époque et qui s'intitulait Destination Moon, Destination Lune, en 1950, un film de Irving Pichel qui décrivait 19 ans avant la réussite du programme Apollo, comment on pouvait atteindre grâce à des fusées notre satellite et interroger scientifiquement ce que l'humanité pourrait faire avec cette nouvelle frontière en quelque sorte. Vous voyez, donc moi je suis vraiment très heureux aujourd'hui parce que avec tout ce qu'apporte Natacha comme présentation de l'imaginaire européen et en particulier français, il y a désormais une réconciliation finalement de la science-fiction à l'échelle mondiale et qui devient enfin un élément de la culture générale de tout un chacun. Et puisque vous avez évoqué cette exposition à la Bibliothèque nationale de France, Le Merveilleux Scientifique, nous allons mettre sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, le lien, parce qu'il reste des traces sur internet de cette exposition, toujours avec les très beaux sites de la Bibliothèque nationale et notamment de Gallica, hein, les blogs Gallica, où il y a plein de belles choses. Et évidemment, la société a peur de son temps, elle étudie les possibles du futur avec certaines craintes, et les craintes du moment sont de transformer l'homme. Les ovules qu'on vous a prélevés, Marie, ont été fécondés avec le sperme d'Antonio, votre mari. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Naturellement, pas de prédisposition à aucune des plus graves maladies héréditaires. Il ne reste plus qu'à choisir le candidat le plus compatible. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi ? Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien sûr, ça va, Vincent ? Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tel que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence, obésité, ce genre de choses. Nous ne voulons pas qu'il ait des maladies, certes, mais... Oui, nous demandions seulement si ce serait bien de laisser quelques petites choses au hasard. Vous voulez donner à votre enfant le meilleur départ possible ? Faites-moi confiance, il reste déjà suffisamment d'imperfections. Non, votre enfant n'a pas besoin de fardeau supplémentaire. Et gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous, simplement le meilleur de vous. Bienvenue à Gattaca, le film d'anticipation réalisé par Andrew Niccol en 1997. Un film sublime qui fait très peur. Natacha Vazder, quand l'on étudie une œuvre telle que Bienvenue à Gattaca, un roman du temps où il est produit, vous regardez et vous n'avez pas l'impression que c'est des éléments du contemporain qui sont poussés à l'extrême sans doute et qui permettent parfois de partir dans un autre monde, vers un ailleurs. Mais le présent est très net et en cela, la littérature d'anticipation dans la démarche de l'historien, de l'historienne est essentielle. Oui, alors c'est très intéressant ce que vous évoquez parce que en réalité parfois eh bien la science-fiction elle est quand même dépassée par la réalité. C'est ce qu'on pourrait appeler en fait le mur du futur, c'est-à-dire le moment où l'imagination de nos écrivains, de nos réalisateurs, de nos cinéastes en fait se heurte littéralement à la réalité. Vous avez par exemple, je vais donner un exemple très je dirais précis par rapport à cette idée, dans le dernier film de Spielberg, Ready Player One, on a en fait une évocation tout à fait nostalgique via la réalité virtuelle, vous voyez, de l'univers de la pop culture de ces 30 dernières années, du cyberpunk, des jeux vidéo. Mais en réalité, aujourd'hui, eh bien, la réalité virtuelle est un outil technologique qui se développe de manière exponentielle, qui devient de plus en plus précis. Et en fait, la science-fiction a littéralement abandonné en fait cette formidable invention technologique, eh bien parce qu'en réalité le réel, l'invention donc scientifique est en train de dépasser largement ce qui a été donc inventé dans la littérature et dans le cinéma de science-fiction. Et donc le cinéma et ce film en est vraiment un exemple tout à fait pertinent. Eh bien regarde un petit peu dans le rétroviseur, mais ne propose plus, même si on a quand même une vision du futur qui n'est pas tout à fait positif évidemment dans le film, mais le réalisateur ne nous propose pas finalement de nouveautés par rapport à cette invention. Alors bien sûr il y a des domaines comme par exemple le voyage dans l'espace où là on est quand même encore très très loin évidemment des limites de la réalité et de la science, mais voyez on voit quand même, alors c'est aussi le cas par exemple avec l'intelligence artificielle où bien sûr actuellement, l'intelligence artificielle développée par nos chercheurs est une intelligence dite spécialisée, c'est-à-dire qu'elle est capable de réaliser des tâches extrêmement précises et ponctuelles, mais en aucun cas, elle ne peut remplacer le cerveau humain qui, lui, est une intelligence générale capable de prendre donc des décisions. Mais tout de même, il y a quand même, je dirais, une certaine adéquation entre en fait la réalité, notre réel, les découvertes évidemment scientifiques, le progrès technologique, et puis évidemment ces grands romans et ces grandes œuvres donc de science-fiction. Avec ces limites que vous évoquez, Natacha Vazder. Et puis pour l'Uchronie, il y a le même phénomène, hein, Hugo Bellagamba, c'est-à-dire que vous proposez une uchronie, une histoire avec des changements par rapport à ce qui s'est réellement passé. C'est passionnant en connaissant l'histoire, parce que l'on s'amuse à voir les différences. Celui qui ne connaît pas l'histoire, lui, est dans cette limite de, mais qui est une limite minime, d'avoir juste le plaisir de lire une histoire. Mais cela nécessite en tout cas une base historique solide et en béton. D'ailleurs, vous mettez une bibliographie dans vos ouvrages. Oui, c'est vrai. Alors après, ça dépend de la façon dont on aborde l'uchronie. Il y a des uchronies qui sont beaucoup plus, entre guillemets, accessibles ou faciles. Et d'ailleurs, ce sont souvent les meilleurs, hein, en réalité. Point besoin de faire de l'érudition pour faire une bonne uchronie, puisque le but, c'est quoi? C'est de réfléchir au fondement de notre culture. Donc, une uchronie qui interroge, par exemple, le non-effondrement de l'Empire de Napoléon, très simple d'abord, finalement, en disant que se serait-il passé si on était encore toujours sous un descendant de Napoléon, en Napoléon XVII, ou que sais-je? Eh bien, c'est facile à comprendre. Et, par exemple, c'est très impactant sur le rapport qu'on a au monde politique. Hein, l'une des plus célèbres uchronies américaines, c'est le Maître du Haut-Château, de Philip K. Dick, qui a été décliné en série que vous pouvez regarder évidemment très facilement. Et c'est quoi? C'est finalement que se serait-il passé si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale et s'étaient répartis le monde finalement avec le Japon. Donc vous voyez, le point de divergence est toujours important pour jouer avec les lecteurs, mais c'est aussi un point de divergence qui est toujours culturel, qui s'adresse à une certaine catégorie de personnes et à un certain peuple bien souvent. Je voudrais juste citer une uchronie qui n'est pas souvent... Oui, en deux mots, Watchmen, que tout le monde connaît, je pense, la série et la bande dessinée Watchmen de Alan Moore, est un type vraiment remarquablement clair d'uchronie américaine, dans laquelle justement, eh bien, Nixon s'est maintenu au pouvoir et ça a eu des conséquences terribles sur l'histoire politique américaine. Eh bien, d'ailleurs, l'actualité nous montre aussi des choses terribles. Juste vous dire, Hugo Bellagamba, ce serait Napoléon VII aujourd'hui. Donc, vous voyez, l'uchronie est là, mais elle est dans un réel pour certains. Et je rappelle votre Tancrède, une uchronie, plaisir de lecture, hein, aux Moutons électriques. Et Natacha Vazder, ces Français qui ont écrit Demain, l'utopie, anticipation, science-fiction au XXe siècle. Merci vivement à vous deux. Et le futur nous conduit directement à retrouver Ce n'est pas de la science-fiction, Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, l'affaire Violette Nozière, quand parler d'inceste était tolérable. L'inceste occupe un espace tendu entre l'affichage social et l'indignation face à des crimes infligés aux enfants sous le boisseau de l'intimité familiale. Une étape a peut-être été franchie dans l'évolution du seuil de tolérance avec la parution attendue du livre de Camille Kouchner qui en accuse son beau-père, Olivier Duhamel. La presse en parle avec attention et bienveillance pour les victimes et Olivier Duhamel a immédiatement démissionné de toutes ses fonctions, refusant tout commentaire. Le témoignage a valeur de condamnation unanime de principe avant même la parution du livre. C'est pour éclairer l'évolution de ces seuils de tolérance qu'Anne-Emmanuelle de Martigny s'est consacrée à une célèbre affaire. Le procès de Violette Nozière, lycéenne empoisonneuse et parricide des années 30, condamnée à mort, puis graciée et enfin réhabilitée 30 ans plus tard. Car la raison donnée par Violette pour expliquer son geste est bien l'inceste. Son père abusait d'elle depuis l'enfance. Le parricide est alors au sommet de la hiérarchie pénale. On ne saurait condamner un père, toujours pilier de la société d'entre-deux-guerres. Qu'il soit bon ou mauvais, penser la sexualité déviante du père de famille reste un tabou dont l'exposition au grand jour trouble l'ordre moral et la manière dont la presse s'empare de l'affaire Colette Nozière. En fait, il y a deux tabous. Il y a le tabou qui porte sur la chose et il y a le tabou qui porte sur le mot. il y a l'interdit de commettre l'inceste et il y a l'interdit d'en parler. Et c'est parce que la chose est interdite qu'on n'a pas le droit d'en parler. Mais comme on n'a pas le droit d'en parler, on ne peut pas dénoncer l'acte. Et ça enferme en fait le discours de la presse. Colette Nozière est d'abord décrite comme le monstre en jupon qui a porté atteinte au lien sacré du sang pour assouvir son besoin de liberté excessif et son comportement cupide. Mais ce portrait sans empathie pour une adolescente qui se dit maltraitée est bientôt troublé par l'accumulation d'indices sur le comportement sexuel du père. Certains journalistes protestent contre le luxe de détails délivrés au public qui ne saurait supporter les insanités délivrées par une femme à l'esprit dérangé et à la morale douteuse. L'accusation d'inceste portée par Violette Nozière contre son père apparaît plus odieux encore que le crime qu'elle nomme. L'acte de dire l'inceste constitue en soi une monstruosité, une rupture du contrat social, un attentat à la pudeur. Cette parole dérangeante qui transgresse le pacte du silence autour de l'inceste devient une charge supplémentaire contre elle qui transgresse décidément sans cesse et nourrit le dossier d'accusation au lieu d'en changer la nature. Si elle a fait tant parler, c'est parce que c'était une figure dans laquelle les contemporains pouvaient retrouver les traits inquiétants de leur époque. C'est pour ça qu'elle a accédé au rang de symbole, hein. C'est la fleur du mal, la fleur du mal de notre époque. 40 ans plus tard, Claude Chabrol, dans un film sur l'affaire, fait au contraire du crime de Violette Nozière un acte de contestation de l'hypocrisie d'un ordre centré autour de la famille à préserver à tout prix, unité élémentaire de la bonne marche d'une société protectrice, éducatrice, canal transmetteur des comportements attendus. Si l'inceste n'a pas disparu depuis l'affaire Violette Nozière, la sensibilité médiatique et sociétale de sa réception publique semble avoir franchi un nouveau cap. Merci Anaïs. Le journal de l'Histoire est à retrouver sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. C'est une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Joissel, Valentine Lovrens et Maïwenn Guizhou. Demain, nous partons à la recherche de l'Arche perdue, oui, de l'Arche d'Alliance, à l'occasion d'un documentaire diffusé sur la chaîne Arte. Et d'ici là, les émissions, celles d'aujourd'hui et les précédentes, sont à écouter, à podcaster sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.